بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد والأهل والصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله أمس كملنا المسألة الإيمان بالله la foi en Allah qui est le premier pilier de la foi ثم يأتي بعده الإيمان بالملائكة la foi aux anges الملائكة ملائكة c'est le pluriel. Le moufrad, singulier, c'est Malak. Malak. Faqala rahimahullahu ta'ala. Al malaikatu alam aibi makhlouquna abiduna lillahi ta'ala wa laysa lahum min khasaisi rububiyati wal uluhiyya shay. Khalaqahumullahu ta'ala min nur. Wa manahahum al inqiyad al tam li amrihi wal kuwat ala tanfidhi. Donc que sont les malaïkas ? Ce sont des créatures invisibles. Des créatures invisibles. On avait dit « alam », c'était quoi « alam » ?« Kullu ma sawa Allah wa alam » Tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est un « alam ». Donc c'est une créature invisible. Une créature invisible qui adore Allah. Qui n'a aucune part de rububiya, de seigneurie, ni de divinité. Elles ne sont pas... Ce sont des créatures qui n'ont pas à être adorées. Et on ne doit pas leur attribuer des particularités de la seigneurie. Alors là, il les a créées à partir de lumière. Et il leur a accordé la capacité de pouvoir l'adorer sans cesse. Et ne jamais lui désobéir. Les anges sont des créatures qui sont là pour servir Allah pleinement. Ils ne s'en lassent pas, ils ne se fatiguent pas. Et jamais ne lui désobéissent. قال الله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته لا يستسحرون يسبحون الليل والنهار ولا يفطرون que Allah dans le sens il dit que ceux qui sont près de lui c'est-à-dire les anges ils n'en souffrent pas d'orgueil par rapport à sa son adoration par rapport à son adoration et qu'ils le glorifient nuit et jour sans se lasser sans s'arrêter وهم عدد كثير لا يصيهم إلى الله تعالى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. Les anges, on ne connaît pas leur nombre. Ils sont un grand nombre que seul Allah connaît. Dans les deux authentiques, il était rapporté du hadith de Anas, radiallahu anhu, dans l'histoire de l'ascension de Mi'raj, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté aux cieux, qu'il a vu Al-Bayt al-Ma'mour, qui est un lieu d'adoration pour les anges dans le septième ciel. Et dedans, il est cité que chaque jour, il y a 70 000 anges qui y viennent. Ils adorent Allah, ils en ressortent, ils ne reviennent plus jamais. Chaque jour. 70 000. Donc ça laisse entendre que le nombre des malaïkas, il est énorme. Énorme. ثم قال والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور. La foi aux anges regroupe quatre choses. En premier lieu, الإيمان بوجودهم. Croire en leur présence, leur existence. Il faut y croire. Deuxièmement, al-iman biman biman alimna smahu minhum bismika jibril wa man lam na'lam smahu nu'min bihim ijmalan. Et deuxièmement, la foi en ceux dont on connaît le nom comme Jibril par exemple, alayhi salam et ceux dont on ne connaît pas le nom. Certains anges ont été nommés et d'autres ne l'ont pas été. Certains ont été décrits d'autres ne l'ont pas été. الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها ولو 600 جناح قد سد الأفق. Donc croire également en leurs caractéristiques. Comme par exemple Jibril, dont le prophète صلى الله عليه وسلم nous a informé qu'il l'a vu sous sa vraie apparence, sur laquelle il a été créé. Et qu'il avait 600 ailes. qui couvrait l'horizon. Donc 600 ailes et en même temps immense. وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل كما حصل لجبريل حين أرسله الله تعالى لمريم فتمثل لها بشرا سويا. Donc il se peut également que l'ange change d'apparence, il prenne la forme d'un homme. Donc comme cela est arrivé à Maryam, lorsque Jibril lui était envoyé sous la forme d'un homme pour lui annoncer la vue de son enfant. وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه جاء بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة وهكذا. الحديث. Donc également ce qui s'est rendu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était assis au milieu de ses compagnons, il est venu sous la parole d'un, sous l'apparence d'un homme d'une noirceur, une chevelure d'une noirceur éclatante, et également d'un vêtement d'une blancheur éclatante, et que personne ne le connaissait, et qu'il s'asseya devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il interrogea sur l'islam, l'iman et l'irsan, et l'heure. Le hadith de Omar rapporté par Muslim. وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله إلى إبراهيم ولوط كانوا على صورة رجال. Également les anges qui ont envoyé Ibrahim et à Lot avaient l'apparence d'un homme. Ce dont les gens de la ville de Lot ont voulu les attirer vers eux. Ils ne savaient pas que c'était des anges. C'était des anges avec l'apparence humaine. Mais ils ne mangeaient pas, Mathalan. Ils n'ont pas voulu manger. Arabia. Al-Amr Arabia. الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى كتسبيحه وتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور. Et également d'avoir foi, la foi en leurs actes, leurs actions qu'ils accomplissent selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le tasbih ou le fait qu'ils adorent Allah nuit et jour sans lassitude et sans fatigue. On doit y croire. وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة. Il se peut qu'ils aient certains, ils ont des fonctions spéciales. Il y a des anges, ils ont des fonctions spéciales que personne ne fait en dehors d'eux. مثلا جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله إلى الأنبياء والرسل. Par exemple, Jibril عليه السلام, qui lui a pour fonction, mission de retransmettre la révélation aux envoyés. Même la révélation divine est retransmise aux envoyés par le biais de Jibril alayhi salam. مثل ميكائيل الموكل بالقطر اي بالمطر والنبات. Également Mikaïl, qui lui est chargé de la pluie et des plantes, faire pousser des plantes. Tamam. ومثل إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق. Également Israfil, qui lui a la mission de souffler dans la trompe lors de la résurrection, le jour de la résurrection. وعندنا ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. Et l'ange de la mort, qui lui a pour fonction de retirer les âmes lors de la mort. Et ce qui est venu qui s'appelle Israël, Mayasbut. C'est pas authentique. Malak al-Mawt, ce qui est connu de lui, c'est Malak al-Mawt. Tout simplement. Et comment il fait? Ça, c'est Allah alam. Pour se trouver en plusieurs endroits, à plusieurs moments, on ne sait pas. C'est un comment qu'on ne connaît pas. Wa mithl Malik al-Muwakkal bin Nar wa wa khazin al-Nar. Il y a Malik, celui dont, qui est chargé, lui, d'être le gardien du feu. Jahannam, de l'enfer. Il s'appelle Malik. Al-Malaika al-Muwakkilin bil-Ajinna Tif al-Arham Iza tamma l'insan arba'atu ashur fi batni ummi ba'afallahu ilayhi malakan wa amrahu bi katbi rizqihi wa ajlihi wa amalihi wa shaqi ou sa'id. Également les anges qui sont chargés, eux, de remettre le souffle dans le fœtus, l'embryon plutôt, dans le ventre de la mère. À partir des 4 mois, ils viennent, ils lui insufflent le souffle de vie, selon l'ordre d'Allah. Et ils écrivent ce qui le concerne, son rizq, son temps de vie, ses œuvres, est-ce qu'il sera parmi les heureux ou les malheureux. Tout cela par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. مثل الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. Les anges qui sont chargés d'écrire les actes des fils d'Adam. Que chaque personne a deux anges, un à sa droite et un à sa gauche, qui écrivent tous ses actes, tout ce qu'il fait. Ce par quoi il se rendra des comptes au Yawm al-Qiyamah. الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملك يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. Et comme les anges qui sont chargés eux d'interroger la personne dans sa tombe, comme dans le hadith des deux anges qui viennent et qui l'interrogent, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Et ces anges là il y a un khilaf. Certains ont dit non, c'est pas un nom, c'est une description. Il y a un khilaf. Est-ce que c'est leur prénom ou est-ce que c'est une description? Apparemment, Cheikh Othaymine doit voir que c'est une description. Sinon, ils les auraient nommés, je pense. Wallah alam. Et il y a d'autres anges. Par exemple, ceux qui portent le arche d'Allah, le trône d'Allah. Ils sont 8. Et ils sont immenses, immenses, immenses. Le trône, le arche, est encore plus immense qu'eux. Et plus grand que cela, Allah, subhanahu wa ta'ala. Le malak qui transporte le trône d'Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que de son oreille à son épaule, une distance de 700 ans pour un cavalier. Donc on te laisse un petit peu essayer d'imaginer, mais que tu ne pourras pas. On te parle juste de son oreille à son épaule. C'est le hadith, c'est bien ça. 700 ans pour un cavalier. C'est pas en marchant sans cavalier. Donc on ne sait même pas le reste de son corps comment est-ce qu'il est. Et ils sont 8 comme ça. Apporter le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le trône est plus grand que ses anges. Akbar makhlouqat, l'arche. La plus grande des créations, des créatures, c'est l'arche. La ilaha illallah. Donc ces anges, ils ont des missions pour beaucoup d'entre eux. Et certains ont été nommés, et d'autres non. Ou beaucoup n'ont pas été nommés plutôt. Et certains ont été décrits. Également. Thumma qala. والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها الأولى العلم بعظمة الله تعالى وقواته وسلطانه فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. Donc en premier lieu, la foi aux anges apporte des fruits pour le serviteur. Parmi ces fruits, qu'est-ce qu'il y a comme résultat positif? Qu'il a la science de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa force et de son autorité. Car l'immensité de la création est un indice qui t'amène à te démontrer l'immensité du Créateur. Par exemple, comme on vient de le dire là, les anges qui portent le arche, le trône, quand on voit leur taille, on se dit c'est Allah qui les a créés. Ça te laisse penser que Allah, vraiment, Allahu Akbar. Allah est le plus grand. الثاني شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. Deuxième fruit, cela apporte à remercier Allah, être reconnaissant envers lui, pour le soin qu'il apporte aux fils d'Adam, comment Allah s'occupe de nous, du fait qu'il a chargé ses anges de plusieurs fonctions, parmi elles ceux qui nous protègent. Il y a des anges qui nous protègent, les shayatines, ceux qui écrivent nos œuvres, nos actes, et autres parmi ceux qui s'occupent de nos intérêts. Car ils ne font cela que par décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui doit être remercié, c'est Allah, pas l'ange. Et l'ange ne doit pas être adoré. Thalitha, mahabbatul malaika ala ma qamu bihi min ibadatillahi ta'ala. Troisième chose, l'amour que l'on doit porter pour les malaika. Parce qu'ils font comme adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car tous ces actes qu'ils font, c'est des ibadah. Tout ce qu'ils font, c'est des ibadah. Donc on doit les aimer, les anges. وَقَدْ أَنْكَرَ قَوْمٌ مِنَ الزَّائِرِينَ كَوْنَ الْمَلَائِكَةَ أَجْسَامًا وَقَالُوا إِنَّهُمْ عِبَارَةٌ عَنْ قُوَّةِ الْخَيْرِ الْكَامِنَةِ فِي الْمَخْلُوقَاتِ وهكذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. Et il y a des gens parmi les égarés qui ont, eux, renié l'existence des anges. Ils ont dit que les anges n'étaient que des forces de la nature, qui émanent de la nature. Ce ne sont pas des êtres à part. Et cela est un démenti du livre d'Allah, de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de l'ijma', l'unanimité des musulmans. Quand Allah ta'ala, Alhamdulillahi fatiri samawati wal ard, ja'ilil malaika rusula, ja'ilil malaika ta rusula, uli ajnahatin masna wa thulatha wa ruba'a. L'ange Allah, celui qui a créé les cieux et la terre, et qui a fait des anges, des messagers, avec des ailes, 2, 3 ou 4. Donc là, Allah dit bien qu'il a créé les anges. Il en a fait des messagers. Wa qala ta'ala, wa law tara iz yatawaffa allazina kafaru al-mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Si tu voyais ceux qui meurent lorsque les anges les frappent au visage, les frappent au visage et au dos. Donc là, il a bien dit, yadribuna wujuhahum. وأدبارهم يفرق leur visage et leur dos. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. Et si tu voyais lorsque les injustes sont dans les affres de la mort et que les anges tendent leurs bras pour leur dire sortez vos âmes. وقال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Et lorsque la terreur fut dissipée de leur cœur, ils dirent, c'est-à-dire les anges, qu'a dit votre Seigneur ? Ils dirent la vérité. Il est certes le Très-Haut et le Grand. وَقَالَ فِي حَقِّ وَقَالَ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. Donc dans les gens du paradis, les anges, Allah dans le sens, il dit que les anges rentreront chez eux et leur diront de toutes portes et leur diront Salam alaykoum pour ce que vous avez enduré, supporté. Et quelle bonne demeure, c'est-à-dire le paradis. Wa fi sahih al-Bukhari an Abi Hurayra radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala idha ahabba Allahu al-'abd nada Jibril anna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu Jibril fayunadi Jibril fi al-sama' anna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu فيحبه أهل السماء ثم يودع له القبول في الأرض. Donc dans le Sahih al-Bukhari, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si Allah aime un serviteur, il l'appelle Jibril. Il lui dit que certes Allah aime un tel, donc aime-le. Donc Jibril se met à l'aimer. Ensuite Jibril appelle les gens des cieux, c'est-à-dire les anges, que Allah aime un tel, donc aimez-le. Donc les gens du ciel se mettent à l'aimer également. Ensuite, lui accorder l'acceptation sur terre. C'est-à-dire les gens, muwaffaqoun, bien évidemment, aimeront cette personne-là. Wa fihi aidan annahu qala, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha kana yawm al-jumu'ati kana 'ala kulli babin min abwab al-masjid al-mala'ikatu yaktubuna awwal al-awwal fal-awwal. Fa idha jalasa al-imam tawwu as-suhuf. Fa ja'a wa ja'u yastami'una adh-dhikr. وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوة معنوية كما قال الزائرون على مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون. Donc, dernier hadith qui cita que les anges sont aux portes des masajid يوم الجمعة, le vendredi, et ils écrivent tout ce qu'ils viennent, du premier au dernier. Et lorsque l'imam s'assoit sur le minbar, il ferme les feuillets sur quoi ils écrivent. Et ils viennent pour écouter le rappel. Donc est-ce que des forces de la nature sont aux portes du masjid, écrivent, font toutes ces choses-là, frappent les gens lorsqu'ils meurent, viennent, disent salam alaykoum aux gens du paradis? C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent par la suite. Que ce texte clair démontre que les malaïkas sont des corps, des êtres, et non pas une force de la nature, une forme abstraite, comme disent ces égarés. Et cela justement, ce texte le démontre clairement, et ce sur quoi où les musulmans sont unanime. Donc là également, on a appris que al-iman bil malaika wajib, ruknun min arkan al-iman. C'est un pilier parmi les piliers de la foi. Thumma qala al-iman bil kutub. La foi au livre. Quel livre ? Il va l'expliquer. Al-kutub, jam kitab, bimana maktub. Kutub, c'est le jam de kitab. qui veut dire maktoub, c'est-à-dire l'écrit. L'écrit. وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الْكُتُوبَ الَّتِي أَنزَلَ تَعَالَى أَنزَلَهَا تَعَالَى عَلَى رُسُولُهِ رَحْمَةً لِلْخَلْقِ وَهِدَايَةً لَهُمْ لِيَسِلُوا بِهَا إِلَى سَعَادَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Donc le sens voulu par les livres ici, ce sont les livres que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur ses envoyés par miséricorde pour la création et pour les guider et pour qu'ils parviennent à leur bonheur en ce bas monde et dans l'au-delà. Les messagers sont venus avec des livres, pour la plupart d'entre eux, pour indiquer aux gens ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend d'eux et leur démontrer comment vivre de façon sereine dans ce bas monde pour obtenir la récompense de l'au-delà. D'accord ? Les gens n'ont pas d'argument pour dire on ne sait pas pourquoi on a été créé, on ne sait pas ce qu'on a à faire, où est le Zalika. Ces livres sont là pour gérer notre vie, la nôtre, et gérer la vie des serviteurs qui étaient avant nous, parmi les croyants. Faqal, wal iman bil kutub yatadamman arba'ata umur. La foi au livre, ça implique quatre choses. Al awwal wal iman bi anna nuzulaha min indillahi haqqa. Première chose, que ces livres proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui les a fait descendre. Réellement. Athani, al iman bima alimna asmahu. منها باسمه كالقرآن والذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم والتوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام والزبور أو الزبور الذي أوتيه داود عليه السلام أما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit croire comme deuxième point? Que l'on croit en ces livres, que l'on connaisse leur nom ou pas, car certains ont été nommés comme le Coran, qui est le dernier des livres, qui était descendu sur Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et la Torah, celle qui est descendue sur Moussa, alayhi wa sallam, et l'Injil, ce qu'ils appellent l'Évangile, qui est descendu sur Isa, alayhi wa sallam, et Zabour, qui est appelé le psaume, ce qui a été accordé à Daoud, alayhi wa sallam. Et certains dont on connaît les noms, d'autres qu'on ne connaît pas. Quoi qu'il en soit, on y croit dans leur totalité à ces livres. Comme les messagers. Certains Allah subhanahu wa ta'ala les a nommés dans son livre et d'autres non. Mais on croit en tous. On croit en tous. Donc celui qui ne croit pas en seul de ces livres ont un mécru. Même un musulman aujourd'hui dit je ne crois pas, mathalen, en la Torah, que c'est un livre descendu par Allah, on dira tu as un mécru. Cela te sort de l'islam. Pourquoi? Car c'est un pilier de la foi. Croire en ces livres. Il n'a pas dit bil kitab, bel bil kutub, les livres. Jam, pluriel. الثالث تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. Que l'on doit croire les informations que contiennent ces livres, comme par exemple les informations présentes dans le Coran, les informations qui n'ont pas été changées ou falsifiées dans les livres précédents également. On doit y croire, celles qui sont conformes au Coran. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا أهل الكتاب ولا تصدقوهم. Les gens du livre, on doit ni les démentir ni les croire dans ce qui vient comme information qui ne s'oppose pas au Coran mais qui n'est pas conforme. Car il se peut que ce soit vrai. Comme il peut que ce soit faux, on ne sait pas. À titre d'exemple, ce qu'on avait dit dans un vers précédent, que Isa et Salem auraient marché sur l'eau. Est-ce qu'on croit? On dit l'information en soi, ni on la rejette, ni on l'accepte. On sait que c'est tout à fait possible. Mais nous, dans le Coran, on n'a rien qui nous le confirme, et on sait que le livre de El-Kitab a été falsifié. Mais quoi qu'il en soit, on sait que c'est une chose qui est possible. Mais est-ce qu'on dit que c'est vrai? On ne peut pas dire que c'est vrai. Est-ce qu'on dit que c'est pas vrai? On dit pareil, on ne peut rien dire. Natawakkaf, on s'abstient. Et il y a plein d'histoires comme ça. Par contre, celles qui viennent, qui s'opposent au Coran, d'histoires qui sont en contradiction avec le Coran, on n'y croit pas. Sûr. Et celles qui sont conformes, on y croit. نعم. الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي من الكتاب ومهيمنا عليه أي حاكما عليه. Donc également on doit œuvrer dans ce qui est cité dans ses livres, dans ce qui n'a pas été abrogé. On doit l'agréer et s'y soumettre. Et cela, peu importe que l'on ait compris la sagesse qui en découle ou non. D'accord ? Mais il faut savoir que tous les livres précédents ont été abrogés par le Coran. Allah, dans le sens, il dit, et nous avons fait descendre sur toi le livre, en vérité, confirmant les précédents, c'est-à-dire les livres précédents, mais les abrogeant. C'est-à-dire qu'il est venu en tant que juge. Donc l'islam est venu pour abroger les autres religions. وَلَا هَذَا فَلَا يَجُوذُ الْعَمَلُ بِأَيِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ إِلَّا مَا صَحَّ مِنْهَا أَوْ أَقَرَّهُ الْقُرْآنُ. Là, c'est une mas'ala. Il dit qu'il n'est pas permis d'œuvrer en fonction de ce qu'on trouve comme information, comme règle, dans le livre précédent, hormis ce qui a été authentifié dans ce livre et qui a été et qui est en conforme avec le Coran. Ça, c'est une mas'ala dans Usul al-Fiqh. Est-ce que la législation des gens avant nous en est une pour nous aussi, législation? Il y a un khilaf. Et la parole authentique, c'est que ce qui était législation pour eux, l'est pour nous si elle est conforme à la nôtre. Adaou. Si elle est conforme à la nôtre, on la prend aussi, elle est valable pour nous. Thumma qal. والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها الأولى العلم بغناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. Donc parmi les fruits que la foi au kutub prodigue justement aux serviteurs, première chose, la science, on sait que Allah se soucie de ses serviteurs du fait qu'il a fait descendre sur eux des livres afin de les guider. Et à chaque peuple, chaque communauté a eu un livre. Et un messager, bien évidemment. الثاني العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Donc également, cela nous amène à connaître la grande sagesse d'Allah dans sa législation, du fait qu'il a légiféré pour chaque peuple ce qui lui convient et ce qui lui est approprié en fonction de sa situation. Car tout le monde n'est pas pareil, les époques n'étaient pas les mêmes. Allah, dans le sens, il dit, et nous avons fait d'entre vous, chacun d'entre vous, une législation et des rites. C'est-à-dire chaque communauté avait des rites. Certains de ces rites demeurent jusqu'à ce jour et d'autres ont été abrogés. Quoi qu'il en soit, on avait expliqué quoi? Que c'est la même croyance. Et c'est le même but. Et c'est le même Seigneur qui envoie tous ses messagers et qui avait descendu ses livres. Donc à la base, les gens des livres précédents, c'est présent encore aujourd'hui, ils seraient des gens de l'islam. Quand même, vis Israël, les muslimoun, ils acceptent tous les messagers. Ils reconnaissent toutes les communautés. Mais on dit clairement que les communautés actuelles sont fausses. D'une part, ils ne suivent pas le livre tel qu'ils ont. Leur propre livre, aujourd'hui même falsifié, ils ne l'appliquent pas. Et même s'ils l'appliqueraient, on leur dirait que c'est abrogé. Vous devez arrêter et suivre le Coran. Donc de là, vous n'êtes pas des croyants. Tu serais un croyant, tu prendrais la suite également. Tu ne t'arrêterais pas à ce qui t'arrange. C'est pour ça qu'on les qualifie de mécréants. Ils ne comprennent pas. On dit, nous on croit. On a des religions monothéistes, nous aussi comme vous. On dit, non. La religion, c'est une seule. Car les gens n'arrêtent pas de dire. La cause des guerres, c'est la cause des divergences de religion, de partis politiques et de Kaza et de Kaza. On dit justement, vous avez raison. C'est pour ça qu'à la base, on a une seule religion. Le fait que vous les refusiez, que vous ayez refusé cette religion, vous êtes la cause de ces guerres, de ces conflits. Si on était tous sur l'islam aujourd'hui, et qui plus est sur l'islam authentique, le Menhaj Salafi, il n'y aurait pas ces conflits-là. Mais c'est juste que là, il a voulu. C'est juste que là, il a voulu. Donc si les gens prétendent, soi-disant, qu'il faut arrêter les guerres des religions, on m'a dit, accepter une seule religion. On est tous d'accord. Une même loi. Il n'y aura pas de divergence, biznillah ta'ala. Si on diverge, on revient au kitab ou sunna. Et si vous refusez, c'est que vous voulez ces conflits-là. Naam. Ala al-asaf. Wa qala thalitha, shukru ni'matillahi fi dhalika. Troisième fruit, le fait de reconnaître le bienfait d'Allah sur cela. Naam. Donc là, on a pris deux piliers aujourd'hui. La foi aux livres. On croit en tous les livres. Qu'on les connaisse ou pas. Dès qu'on sait qu'un livre est descendu dans l'Allah subhanahu wa ta'ala, on y croit, on l'accepte. Mais le Coran est venu pour tous les abroger. Et avant cela, on a pris la foi aux anges. Kazalik al-Malaika. Naam. Fabi hadan aktafi. Walhamdulillah rabbil alamin.